الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharh عمدة الأحكام. La semaine dernière, on avait expliqué combien de hadiths? Trois. Hadith d'Abdullah ibn Abbas, hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, et le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et avant cela, il y avait les deux hadiths de Aïcha radiyallahu anha qui devaient être appris la semaine dernière et que malheureusement, personne n'avait appris la semaine dernière. Qui les a appris? Hadith de Aïcha, tfadala. أحسنت بارك الله فيك. لوط حديث نعيشة تفضل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه رواه البخاري ومسلم. أحسنت. الحديث عبد الله بن عباس كي لابخي حديث عبد الله بن عباس الحديث سهل بن سعد نعم كي كان لابخي. طيب إلى حديث عمر حديث عمر يدي كور السامبل كي لابخي حسن. طيب دونك دوكو هي الحديث عبد الله بن عباس كي لا بخي. نعم تفضل منير. الى النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وعليها صيام شهرين أفأقضيه عنها نعم طيب. pour le hadith d'Abdullah ibn Abbas, je vais vous le réciter pour vous sauver du fait d'être privé du cours d'aujourd'hui. Mais c'est un joker. Fadal. أمك دين أفكنت تقضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى نعم رواه البخاري ومسلم. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم النذر أفصوم عنها قال أفرأيت لو كان عن لو كان على أمك لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك أو مسلم. أحسنت. بارك الله فيك. الحديث السهل ابن سعد الساعدي. كي لأ بخي. مونير. تمنيك شو لأ بخي. سفيان. كي لأ بخي. حديث فلز أبقند أن عرب. Après, cela n'empêche pas de les apprendre en français. Rien n'interdit d'apprendre les hadiths en français. C'est toujours ça. Mais l'exigence qu'on a dans les cours, c'est d'apprendre les hadiths en arabe. Et si les hadiths de la semaine d'avant ne sont pas appris, au moins par une personne, je ne peux pas faire cours. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai répété. Il y a des fois où on a sauvé l'embarcation en récitant les hadiths. Mais on ne peut pas toujours... donner des jokers, parce qu'après c'est plus des jokers. Les jokers, ça se donne occasionnellement, et il faut qu'il y ait un minimum de sérieux et d'investissement, car d'apprendre un hadith par cœur, c'est ce que tu retiendras. Alors, celui qui n'apprend pas par cœur le cours d'aujourd'hui, dans 3 semaines il est oublié. Celui qui s'assoit, qui ne prend pas de notes et qui n'apprend pas par cœur le cours qu'il a entendu aujourd'hui pendant 45 minutes, dans 3 semaines, il n'en retiendra que des poussières. Donc la science, elle s'inscrit par l'apprentissage et par l'écriture, en prenant des notes. Donc qui a appris le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi? Tadal. An Sahl ibn Sa'd. Ibn Sa'd. رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر رواه البخاري ومسلم. رواه أحمد عن أبي ذر بسند ضعيف. طيب إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كي لها بخي. تفضل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. بارك الله فيك. Donc les frères, ayez bien à l'esprit que les hadiths qu'on explique aujourd'hui devront être appris par cœur la semaine prochaine. قال المؤلف رحمه الله باب أفضل الصيام وغيره. باب أفضل الصيام وغيره. الحديث 91 بعد 100. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. رواه البخاري ومسلم. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري ولم يخرجه مسلم. Donc le chapitre du meilleur jeûne et autres. Le chapitre des jeûnes les plus méritoires. Le 191e hadith. Selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le wissal. Qu'est-ce que le wissal? C'est de jeûner 2 jours d'affilée au minimum. Et on verra par la suite de façon précise ce qu'est al-wissal. Mais si on traduirait de façon brève, c'est le fait de ne pas rompre son jeûne. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, mais toi tu fais le wissal. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas comme vous. L'on me nourrit et l'on m'abreuve. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith est également rapporté, en plus d'Abdullah ibn Umar, par Abu Huraira, par Aisha, par Anas ibn Malik, radiyallahu anhum. Et dans le sahih de l'imam Muslim, entre parenthèses, car on verra par la suite qu'il n'est pas rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, mais uniquement dans le sahih de l'imam Al-Bukhari. Selon Abu Sa'id Al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous veut faire le wissal, qu'il le fasse jusqu'au sahar. Jusqu'au sahar. C'est-à-dire, s'il veut ne pas rompre, qu'il ne rompt pas jusqu'au sahur. قال الشيخ البسام رحمه الله المعنى الإجمالي الشعيرة الإسلام الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة لا عنة فيها ولا مشقة ومشرعها الحكيم يكره الغلو والتعمق لأن في ذلك تعذيبا للنفس وإرهاقا لها والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولأن التيسير والتسهيل أبقى للعمل وأسلم من السأم والملل وفيه العدل الذي وضعه الله في الأرض وهو إعطاء الله ما طلبه من العبادة وإعطاء النفس حاجتها من مقوماتها لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام وهو ترك ما يفطر بالنهار عمدا في ليالي الصيام وكان صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله ما لم يعطه غيره يواصل الصيام فقال الصحابة إنك تواصل ولنا فيك قدوة وذلك قبل أن يعلمهم بميزته عليهم فقال إني لست مثلكم لأني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وليس لكم هذا فتقوون على الوصال وما دمتم راغبين في الوصال فمن وجد من نفسه قوة عليه ورغبة فيه فليواصل إلى السحر لأنه تأخير لعشائه فيكون طعامه في ليالي الصيام وجبة واحدة ومن حكم الصيام التخفف من الطعام. Donc il dit, rahimahullah, le sens général de ce hadith. La législation musulmane est une législation simple et aisée. Elle ne comprend pas de difficultés. Et son législateur, subhanahu wa ta'ala, déteste l'exagération. Car il y a dans l'exagération un châtiment qui est infligé à la personne. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, n'impose pas à une âme ou n'impose à une âme que selon sa capacité. Et parce que la facilité fait en sorte que un acte soit accompli de façon durable et que la personne ne soit pas victime d'ennui ou de fatigue ou de lassitude, afwan, il y a dans la législation la justice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi sur terre. Dans les adorations d'Allah Azza wa Jal, tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il te demande comme adoration. Et tu donnes également à ta personne ce dont elle a besoin. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire le wissal pendant le jeûne. Qu'est-ce que le wissal? c'est le fait de délaisser ce qui annule le jeûne en journée, de le délaisser volontairement pendant les nuits du jeûne. Donc de délaisser ce qui annule le jeûne, de délaisser le soir ce qui annule le jeûne la journée. Qu'est-ce qui annule le jeûne la journée ? Manger et boire, entre autres. Donc, à l'ouissal, c'est de délaisser la nuit du jeûne, la nuit où normalement on mange. De délaisser la nuit où normalement on mange. On ne jeûne pas la nuit. La nuit où normalement l'on mange, de délaisser ce qui annule le jeûne de la journée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui a donné ce qu'il n'a pas donné à autre que lui. Et c'est pour cela qu'il faisait le wissal, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons ont dit, mais toi tu fais le wissal, et tu es pour nous un guide et un exemple. Et ils ont dit cela, radiyallahu anhum, avant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne leur informe qu'il a une particularité que non pas. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas comme vous. Je passe ma nuit et mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Et vous n'avez pas cette particularité. Ainsi, vous n'avez pas la force de faire le wissal. Mais si vous persistez dans votre désir et votre souhait de faire le wissal, alors celui qui trouve la force de le faire, qu'il le fasse jusqu'au sahar, jusqu'à l'heure du sahar, qui est le repas du matin avant la prière du fajr. Et on a vu que la sunna du prophète sallam est de retarder le sahur. Si l'un d'entre vous a la force de le faire, alors qu'il le fasse jusqu'au sahar, car cela sera comme s'il retardait son dîner. Car cela sera comme s'il retardait son dîner. Au lieu de manger au coucher du soleil, il mange au moment du sahur. Il a donc retardé son repas, et ainsi il se contente d'un seul repas pendant sa journée de jeûne. ثم قال رحمه الله اختلاف العلماء, la divergence des savants. اختلف العلماء اختلفوا في الطعام والشراب المذكورين على قولين, احدهما انه طعام وشراب حسي تمسكا باللفظ, والثاني انه ما يفيض على قلبه من لذيذ المناجاه والمعارف, فان توارد هذه المعاني الجليله على القلب يشغله عن الطعام والشراب فيستغني عنهما, ولو كان طعاما حسيا لم يكن مواصلا ولم يقل لست كهيئتكم, وقد بسط القول فيه ابن القيم في الهدي, واختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال. نعم. Donc il dit, rahimahullah, Cheikh al-Bassam, les savants ont divergé sur la nourriture et la boisson qui ont été citées dans ce hadith. Quand le professeur Hassam a dit que mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Les savants ont divergé. Certains ont dit que ce qui est voulu par cela, c'est réellement de la nourriture et de la boisson, en s'appuyant sur le sens apparent du hadith. Et d'autres savants ont dit, c'est la relation qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Allah azza wa jal, c'est le bonheur et la douceur de l'adoration que ressent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son adoration qui fait en sorte que son cœur, qu'il ne pense pas à boire et à manger, et ainsi s'en passe. Car si c'était de la nourriture réelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas été considéré comme faisant le wissal. Car s'il mangerait et buvait réellement, on ne parle plus de wissal. Et il dit aussi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit à ses compagnons, je ne suis pas comme vous. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a explicité cela dans son livre Al-Hadi, qui est Zadul Ma'ad fi Hadi Khayri al-Ibad. Un livre de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Est-ce que vous avez compris le deuxième sens qui est donné? Car la personne, lorsqu'elle est préoccupée et lorsqu'elle savoure l'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, elle est prise par cela de telle sorte que elle ne pense pas ni à boire ni à manger. Comme par exemple lorsque vous offrez un nouveau jouet à votre enfant, il va jouer avec pendant 2-3 heures et il va en oublier de boire et de manger. Donc ceci, un exemple concernant un enfant, que dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui savourait alayhi salatu wassalam l'adoration à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله واختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال محرم ومكروه وجائز مع القدرة فذهب إلى جوازه مع القدرة عبد الله بن الزبير وبعض السلف كعبد الرحمن بن أبي نعم وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الجوزاء وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وذهب إلى التفصيل في ذلك الإمام أحمد وإسحاق بن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية فهو عندهم جائز إلى السحر مع أن الأولى تركه تحقيقا لتعجيل الإفطار ومكروه بأكثر من يوم وليلة. Et les savants ont divergé sur le jugement de l'ouïssal en trois avis. Il y a ceux qui disent que l'ouïssal est interdit, ceux qui disent que l'ouïssal est déconseillé, et les autres qui disent qu'il est autorisé avec la possibilité de le faire, pour celui qui a la possibilité de le faire. Ceux qui ont considéré l'autorisation avec la possibilité de le faire, il y a Abdullah ibn Zubayr, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu, et certains salafs comme Abdurrahman ibn Abi Nu'um, Ibrahim ibn Yazid al-Taymi et Abul Jawza. Ceux qui ont considéré l'interdiction de l'ouïssal, il y a les trois imams Abu Hanifa, Malik et Al-Shafi'i rahimahumullah. Et il y a ceux qui ceux qui donnent des détails, que sont l'imam Ahmed, Ishaq ibn al-Mundhir et l'imam ibn Khuzaymah, ainsi qu'un groupe parmi al-Malikiyah. Ils disent que al-Wissal est autorisé jusqu'au Sahar. Il est autorisé jusqu'à l'heure du Sahur. Mais le mieux est de le délaisser afin d'appliquer la sunna qui est de s'empresser à rompre son jeûne. Et il considère qu'il est détestable lorsqu'il est fait plus d'un jour et d'une nuit. استدل المجيزون بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين فهو تقرين لهم عليه ولو كان حراما لم يقرهم وبأن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم فنهيهم عنه كنهيهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه فإذا كان المواصل لم يرد التشبه بأهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. Quelle est la preuve de ceux qui autorisent? Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wissal avec ses compagnons 2 jours consécutifs. Et ceci, ils considèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela pour montrer l'autorisation. Et que si c'était interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas accepté que ses compagnons fassent le wissal 2 jours de suite. Et ils ont pour preuve également le hadith de Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle dit, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le wissal par pitié pour eux, par pitié pour eux, pour ses compagnons. Ainsi, ils ont dit, c'est-à-dire les savants qui autorisent le wissal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de jeûner comme il leur a interdit de prier la nuit, de peur que cela leur soit obligatoire. De peur que cela leur soit rendu obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc parmi les preuves également, est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas condamné ceux qui ont fait le wissal et dont l'information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des informations lui sont parvenues qu'un tel et un tel ont fait le wissal, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas condamné cet acte car ils avaient la possibilité de le faire. Ils disent donc que lorsque celui qui fait le wissal ne veut pas par cela ressembler aux gens du livre. On avait dit que les juifs rompaient leur jeûne quand ? Non ? À l'apparition de ? À l'apparition des étoiles. Vous voyez ? Tout à l'heure, j'étais gentil quand j'ai dit que dans 3 semaines, vous oubliez les cours quand vous ne les apprenez pas par cœur et vous ne les écrivez pas. Ça, c'était quand qu'on a dit ça ? C'était la semaine dernière. Et à condition qu'ils ne fassent pas cela pour se détourner ou pour éviter la sunna qui est de s'empresser à rompre son jeûne. S'il fait cela, c'est-à-dire le wissal, non pas pour ressembler aux polythéistes et non pas pour se détourner de la sunna du professeur sallam, alors on ne peut pas lui interdire de faire le wissal. Donc ça c'est la preuve de ceux qui considèrent le wissal comme étant autorisé. واستدل المحرمون بنهيه صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي التحريم. والنهي يقتضي التحريم. وأما مواصلته بهم فلم يقصد به التقرير وإنما قصد به التنكيل كما هو مبين في بعض ألفاظ الحديث. فحين نهاهم فلم ينتهوا بل ألحوا في الطلب واصل بهم لتأكيد النهي والزجر وبيان الحكمة في نهيهم وظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها فبعد بيان هذا يحصل منهم الإقلاع عنه وهو المطلوب وأما قول عائشة نهى عن الوصال رحمة بهم فلا يمنع أن يكون النهي للتحريم بل يؤكده فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم وكل الأوامر والنواهي الشرعية مبنية على الرحمة والشفقة وأما التفصيل الذي اختاره أحمد فذكر ابن القيم أنه أعدل الأقوال لحديث أبي سعيد لا تواصلوا وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر رواه البخاري فهو أعدل الوصال وأسهله لأنه في الحقيقة أخر عشاءه والصائم له في اليوم والليلة أكله ولكن الأحسن ولولا ترك الوصال مطلقا ولو لم يكن فيه إلا ترك تعجيل الإفطار المرغب فيه لكفى. Ceux qui interdisent le wissal, quelle est leur preuve ? La preuve est l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que cette chose est interdite jusqu'à la preuve du contraire. Et ici, dans le hadith de Abdullah ibn Umar, il dit « Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil wissal » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le wissal. Donc cela est interdit. Puis ils ont répondu au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait le wissal avec ses compagnons pendant 2 jours. Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela pour exprimer l'autorisation du wissal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela pour corriger ses compagnons. Écoutez bien. Ce qui autorise, on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wissal avec ses compagnons pendant 2 jours. Et il n'a pas condamné ceux qui ont fait le wissal. Ceux qui interdisent le wissal disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wissal avec ses compagnons pendant 2 jours consécutifs. Non pas pour montrer l'autorisation, mais pour corriger ses compagnons. Comme cela est présent dans d'autres termes du hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de faire le wissal, ses compagnons radiallahu anhum ont insisté. On dit, innaka tawasilo, toi tu fais le wissal ou envoyé d'Allah. Donc ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont demandé de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors fait le wissal avec eux afin que leur apparaisse l'interdiction de cela et afin que la sagesse de son interdiction soit connue chez eux et qu'ils comprennent pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de le faire. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wissal avec eux pour qu'ils goûtent à la réalité du wissal et qu'ils comprennent que ce n'est pas une chose qui est à la portée de tout le monde. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wissal avec eux, non pas pour montrer l'autorisation, mais pour éduquer et corriger ses compagnons, radiallahu anhum. Quant à la parole de Aïcha, radiallahu anha, que les savants qui autorisent utilisent pour preuve, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le wissal par pitié pour eux, de peur que s'ils le font, Allah azzawajal le rende obligatoire. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdit, ce n'est pas parce que c'est interdit, mais parce que il a peur que cela soit rendu obligatoire pour eux, comme pour le tarawih. Est-ce que c'est interdit de prier tarawih? Non. Ainsi, et les savants ont répondu à ce hadith de Aïcha, que cela ne remet pas en cause l'interdiction. Car, au contraire, cela vient appuyer l'interdiction. Car, fait partie de la pitié du prophète sallam, le fait qu'il leur interdise. Car c'est quelque chose qui est difficile et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et chaque ordre et chaque interdit dans la législation musulmane est basé sur la pitié et al-shafaqa, c'est comment traduire al-shafaqa ? L'attention. La pitié et l'attention. Donc si on t'ordonne quelque chose, c'est par pitié pour toi. Et si Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdisent quelque chose, c'est par pitié pour nous, car cela est néfaste pour nous. Donc Allah Azza wa Jalla, parce que si tu fais cet interdit, cela sera néfaste pour toi, eh bien Allah Azza wa Jalla te l'a interdit par pitié envers toi. Puis il dit, Cheikh al-Bassam, quant aux détails, c'est-à-dire à l'avis de l'imam Ahmed, entre autres, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit que c'est l'avis le plus juste. Donc il y a ceux qui disent que le wissal est autorisé, il y a ceux qui disent que le wissal est interdit, et il y a ceux qui disent que le wissal est autorisé jusqu'au sahur. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit que c'est la parole la plus juste, car le hadith d'Abu Saïd, rapporté par Al-Bukhari, que nous avons cité également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas le wissal. Et si l'un d'entre vous veut faire le wissal, qu'il le fasse jusqu'au sahar. » Et c'est, comme dit Cheikh Al-Bassam, l'avis, c'est le wissal le plus juste et le plus facile, car c'est en réalité retarder son dîner. car c'est en réalité retarder son dîner. Et le jeûneur a dans sa journée et sa nuit un repas, mais le mieux, comme dit Cheikh Al-Bassam, est de délaisser le wissal catégoriquement, car s'il n'y avait si le fait de délaisser, le fait de s'empresser à rompre son jeûne, s'il n'y avait que le fait de délaisser l'empressement à rompre son jeûne, cela suffit pour délaisser le wissal. Car quand tu fais le wissal, tu n'appliques pas cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yazalu nasu bi khayr ma ajjalu al-fitr » Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront à rompre le jeûne. Et on a vu la semaine dernière, pour ceux qui s'en rappellent, que le fait que la communauté s'empresse à rompre son jeûne est un signe que c'est une communauté dans laquelle il y a encore al-khayr et le bien. ما يؤخذ من الحديث سيكون وتن دو حديث اولا تحريم الوصال premièrement l'interdiction du wissal. Si on veut être plus précis, c'est l'interdiction du wissal après le sahur. ثانيا جوازه للقادر عليه الى السحر وتركه اولى. Deuxièmement, l'autorisation pour celui qui en a la possibilité, l'autorisation. Donc une chose autorisée n'est pas forcément recommandée. Elle n'est pas forcément recommandée. On peut faire une chose autorisée, mais qui ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'autorisation pour celui qui en a la capacité de faire le wissal jusqu'au sahar, mais de le délaisser, c'est-à-dire le wissal est mieux. ثالثا رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة إذ حرم عليهم ما يضرهم. Troisièmement, le retient de ce hadith, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers sa communauté lorsqu'il leur interdit ce qui leur est nuisible. رابعا النهي عن الغلو في الدين فإن هذه الشريعة سمحة مقسطة تعطي الرب حقه والبدن حقه فإن الواجبات الشرعية وجبت لمصالح تعود إلى العبد في دينه ودنياه وإن ملاحظة الشارع لتلك المصلحة هي السبب في الإيجاب على العبد. Quatrièmement, en termes de ce hadith, l'interdiction de l'exagération dans la religion, car cette législation, cette religion est une religion qui est basée qui est basé dans la justice et dans l'équité. La législation musulmane donne à Allah Azza wa Jal son droit et donne au corps également, au corps humain, son droit. Et les obligations en islam ont été légiférées et apportent du bien aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal dans sa religion et dans sa vie d'ici-bas. خامسا إن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي يقدر عليه وحده ولا يلحقه أحد في هذا المقام. Cinquièmement, que le wissal fait partie des spécificités du prophète صلى الله عليه وسلم. Nul ne peut faire le wissal autre que lui صلى الله عليه وسلم. Et personne ne peut l'égaler dans cela صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سادسا إن معنى الطعام والشراب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو لذة المناجاة وسرور النفس الكبيرة بلقاء محبوبها وله شواهد في الناس وهذا المعنى الذي يحصل لخليل الرحمن وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لا يلحقه فيه أحد. Sixièmement, on retient de ce hadith que le sens de la nourriture et de la boisson cité dans ce hadith en rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est la relation, la relation qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Allah azza wa jal, et le fait et la joie que connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela, et comment dire, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savoure son adoration à Allah azza wa jal, et ce qui lui permet de s'abstenir ou de ne pas avoir besoin de boire et de manger. Il dit, rahimahullah, wa lahu shawahidun fin nas, et cela est prouvé par les gens. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de l'enfant à qui on donne un nouveau jouet. Mais on peut aussi donner l'exemple de savants. Dans la biographie de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, on avait cité que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, pouvait rester 5-6 heures sur son échelle à regarder les livres et à faire ses recherches. Et cela l'amenait, comme il le disait, rahimahullah, souvent à oublier de boire et de manger. Et il mangeait au dîner le repas qu'il avait apporté pour le déjeuner, car il était pris dans ses recherches, rahimahullah ta'ala, au point d'être... au point d'en oublier de manger. Et ce sens, ou c'est cette chose qui est donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut le côtoyer dans cela. Sabi'an, inna ghuruba ash-shamsi waqtun lil iftar wa la yahsulu bihi al iftar kama taqaddam وإلا لما كان للوصال معنى إذا صار مفطرا بغروب الشمس. Septièmement, le retient de ce hadith que le coucher du soleil est l'heure à laquelle l'on peut rompre le jeûne, et ce n'est pas l'heure dans laquelle le jeûne est rompu, car il y a une différence entre l'heure où l'on peut rompre et l'heure où il est rompu. On avait vu ça la semaine dernière. Ceux qui disent que l'heure du Maghrib, c'est l'heure où le jeûne est rompu, c'est-à-dire que lorsque le soleil se couche, tu n'es plus jeûneur, que tu le veuilles ou non. Et l'autre avis, qui est le plus fort, est que le coucher du soleil, c'est l'heure à partir de laquelle tu peux rompre ton jeûne. Mais tant que tu ne l'as pas rompu, tu es toujours jeûneur. Et on avait dit que le premier avis, pour celui qui l'adoptait, eh bien, avait pour conséquence de nier catégoriquement le wissal. Car si tu es considéré comme ayant rompu ton jeûne de façon systématique lors du coucher du soleil, eh bien, le wissal n'est pas possible et n'existe pas. Thaminan, fihi thubutul khasa'isi linnabi sallallahu alayhi wa sallam, وتكون مخصصة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Huitièmement, et on terminera par cela, il y a dans ce hadith l'attestation des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent justement spécifier la parole d'Allah azza wa jal. Vous avez certes en l'envoyé d'Allah le meilleur des exemples. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le prend comme exemple, mais que ce verset est restreint par les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses, des jugements qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car quelqu'un peut dire, « Moi, je me marie avec 11 femmes. » Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple. Là, on dit non. Ça, c'est une exception faites au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même façon, lorsque les compagnons ont dit, tu fais le wissal. Autrement dit, tu es pour nous un exemple. Nous faisons ce que tu fais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne suis pas comme vous. Donc, ce verset de Surat al-Ahzab, le verset 21, est donc restreint par les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. On actifie بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.